cauchemar de l'élite politique, la terreur des journalistes en période préélectorale, une idée dystopique d'un futur où l'on ne pourrait plus croire ce que l'on voit, car tout pourrait être truqué avec un tel degré de sophistication qu'il deviendrait impossible de distinguer une vidéo manipulée d'une vidéo originale. Ce cauchemar technopolitique a un nom, les deepfakes. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, il n'est pour l'heure pas très compliqué de révéler les supercheries. Alors faut-il craindre les deepfakes dans le futur, ou est-ce un épouvantail brandi par des politiques qui manipulent eux-mêmes la vérité à leur gré? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Deepfake, il faut le voir pour le croire, c'est le programme garanti non truqué qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces deepfakes ou hypertrucages en français, de comment on les construit et comment on les détecte, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Eva Kijak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rennes, membre de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. Et Vincent Nozick, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheur au laboratoire d'informatique Gaspard Monge. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude en direct sur France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite ou l'application de Radio France par exemple, mais comme d'habitude, eh bien en complément via notre fil Twitter @laméthodec où on va poster pour le coup, parce qu'évidemment on va essayer d'adjoindre l'image à la parole, quelques-uns des hyper-trucages donc vous pourrez voir en vous abonnant à notre compte. Et si vous êtes un tant soit peu fan d'ailleurs, ou en tout cas présent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu passer il y a quelques mois cette vidéo très impressionnante de Barack Obama, en réalité doublé par l'acteur et réalisateur Jordan Peele, qui fait dire strictement n'importe quoi à l'ex-président américain avec un souci de réalisme extrêmement poussé. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Ce discours de Barack Obama passera à l'histoire, non pas en raison de son contenu. Ce discours d'Obama est historique parce qu'il ne l'a jamais prononcé. President Trump is a total and complete dipshit. On voit Barack Obama, on entend l'ancien président, mais il s'agit d'un deepfake, selon le terme désormais consacré dans le vocabulaire techno. Un deepfake, c'est une vidéo complètement fausse créée au moyen de l'intelligence artificielle. You see, I would never say these things. Voilà, deepfake ou hyper-trucage. Et c'est vrai que ce deepfake de Jordan Peele, ce trucage, en tout cas ce canular dans la peau de Barack Obama, ça a été un peu le moment où le grand public a réalisé l'ampleur de ce que pouvait être et la finesse de ces nouveaux trucages vidéo, Eva Kijak. Oui, tout à fait. C'est une des premières démonstrations de comment l'intelligence artificielle, et plus particulièrement le deep learning, donc l'apprentissage profond, pouvait être appliqué ici pour manipuler des vidéos et des vidéos de visage, ce qui a toujours un impact plus important sur le public parce qu'on est très habitué à voir des visages. Donc là, c'est un exemple particulier où, en fait, c'est essentiellement une vidéo qui a été reprise et dont la bouche a été modifiée, en fait. Donc seulement cette partie-là, pour faire dire à Barack Obama un discours qu'il n'a absolument pas tenu. Votre réaction, Vincent Nozick, c'est ce moment, parce que les deepfakes, ça faisait un certain temps qu'on en parlait, la volonté très politique de Jordan Peele, c'est de dire, regardez, faites attention, soyez vigilants sur les réseaux sociaux, ne prenez pas toute vidéo pour argent comptant. Oui, je pense que plutôt qu'un coup de com', c'est plutôt effectivement une sorte d'avertissement. Voilà, à partir de maintenant, la vidéo, elle se truque facilement, donc va falloir s'éduquer, et puis être prudent. Hein. Le trucage vidéo, ça ne date pas d'hier, qu'est-ce qu'il y a de différent avec le deepfake? Ah, il y a quelque chose de très différent, c'est que avant pour truquer une vidéo, il fallait des compétences de graphiste. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas, il faut les acquérir, c'est difficile à faire. Et maintenant, pour faire un deepfake, il faut des compétences, on va dire, assez moindres, être capable de collecter des données, avoir l'habitude d'en faire, voilà, c'est une compétence qu'on peut acquérir assez facilement, mais pas spécialement des compétences, on va dire, en traitement d'image, en géométrie ou artistique. Hein. Voilà, donc c'est des compétences qui sont plus simples à acquérir. Hein. Voilà. Eva Kijak, ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, pour arriver à ce niveau de sophistication, pour vraiment tromper le public, c'est extrêmement facile, c'est à la portée de main de tout un chacun, de quelqu'un qui bidouille un peu un logiciel, ou est-ce que ça demande quand même quelques prérequis, quelques connaissances informatiques? Alors, oui, non, c'est-à-dire comme le disait Vincent, en fait, c'est un espèce de transfert de compétences où avant on avait besoin de logiciels dédiés et de certaines compétences en fait en manipulation d'images pour en modélisation. Truquer des vidéos, voilà, exactement, pour truquer des vidéos. Mais encore une fois, ça existe depuis très longtemps. Et puis c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps, mais de temps humain en fait, pour faire toutes ces modifications, parfois image par image. Alors que maintenant, effectivement, c'est l'algorithme, la machine en fait, qui va générer ces modifications. Ça prend aussi du temps, mais c'est du temps machine en fait. Voilà, c'est les cartes graphiques, l'algorithme qui va apprendre, qui va être entraîné pendant de nombreuses heures. Donc, à la fois, effectivement, n'importe qui avec des compétences minimum quand même en informatique, avec du matériel aussi parce qu'il faut une certaine puissance de calcul et puis suffisamment de données peut faire marcher des modèles maintenant qui existent. Pour arriver après, aujourd'hui en tout cas, à des modèles hyper réalistes, ça demande un petit savoir-faire quand même qui est la qualité des données d'apprentissage et puis la patience qu'on va avoir aussi à entraîner le modèle et la capacité qu'on va avoir à entraîner le modèle suffisamment longtemps. Vous nous expliquerez hein, d'ailleurs dans quelques minutes exactement comment ça marche et comment on peut aboutir à ces vidéos. Voilà, mais on n'en est pas encore parce qu'on a entendu après cette vidéo d'Obama, il y en a eu d'autres, hein, on va les poster sur notre fil Twitter, une de Mark Zuckerberg, une de Nancy Pelosi, ça se passe beaucoup dans un univers américano-américain, on a entendu tout le monde hurler en disant « Mon Dieu, ça veut dire que toutes les vidéos peuvent être truquées, ça veut dire que la démocratie est en péril. » On a tout de même, aujourd'hui encore, au moment où on parle, en juin 2019, l'impression que c'est un peu Pierre et le loup, qu'on crie au loup, mais qu'on n'en est pas encore arrivé au niveau où ces trucages seraient accessibles à tout le monde et où tout le monde pourrait, du coup, fausser un peu une campagne électorale. Qu'en pensez-vous, Vincent Nozick? Est-ce que c'est vraiment Pierre et le loup? Moi, je pense que ces technologies sont vraiment dangereuses si elles sont mal utilisées. Si, moi, je pense qu'il y a un réel danger. Maintenant, si on communique bien, si on explique aux gens que ça existe, si de notre côté, nous sait ce qu'on fait avec Eva, si on essaie de travailler pour détecter ces falsifications, voilà, on peut essayer de donner quelques outils pour essayer de prévenir. Mais c'est quand même quelque chose de dangereux, il me semble. On peut tout de même préciser que jusqu'à preuve du contraire, qui est mon expression fétiche, en tout cas aujourd'hui, tous ces deepfakes, il n'y en a aucun qu'on ait identifié comme ayant été utilisé dans un processus d'influence politique, que jusqu'à présent, on a monté des canulars, mais c'est resté au niveau du canular. Ça veut dire que ça ne va pas rester, selon vous, longtemps au seul niveau du canular. Eva Kijak, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, vous avez raison, pour l'instant, on n'a pas encore vu de deepfake à des fins malveillantes, c'est-à-dire c'est essentiellement pour s'amuser ou pour faire du buzz. Comme toujours, rien n'empêche une utilisation malveillante, et en particulier, comme on l'a vu, ça a déjà été fait avec le texte, avec les images pour des campagnes politiques. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher aujourd'hui l'utilisation de ces techniques-là à des fins malveillantes. Il est vraisemblable que cette manipulation que vous décriviez, qui reste encore un peu technique, qui l'est beaucoup moins qu'avant, mais qui demande encore un certain talent, ou en tout cas un certain niveau de compétence, que dans les années à venir, ça va se rapprocher du grand public, qui va être de plus en plus facile dans, à très court terme, 1 an, 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce que vous diriez, Vincent Nozick, de pouvoir manipuler des vidéos et faire dire n'importe quoi à n'importe qui? C'est toujours difficile hein, d'avancer des chiffres. Ça, dans 2 ans, moi, je ne serais pas étonné d'avoir des outils très simples pour faire des deepfakes. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Et là, Kijak ? Ouais, ça va très vite. Hein. Donc, très, très régulièrement et très fréquemment, on voit de nouveaux papiers qui sortent avec des nouvelles technologies. Par exemple, il y a certaines techniques, en fait. Le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de techniques différentes hein, derrière ces deepfakes. Il y a des deepfakes différents et des techniques différentes. Certaines demandent beaucoup d'images, et ça, c'est pour l'apprentissage. Et donc ça peut être un frein actuel. Les dernières recherches vont aussi dans le sens de limiter de plus en plus ce nombre d'images pour l'apprentissage. Ce qui sera à terme, ce qui facilitera évidemment à terme la génération de ces deepfakes. Justement, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche. On va ouvrir le capot de l'ordinateur et on va aller mettre les doigts dans les algorithmes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons tout au long de cette heure des deepfakes ou hyper-trucages en VF. Nous en parlons avec Eva Kijak et Vincent Nozick. Alors concrètement, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces deepfakes, donc qui utilisent l'apprentissage profond, sont différents des trucages vidéo ou du mapping vidéo qu'on pouvait avoir avant avec des logiciels dont on sait que c'est des logiciels de taille cinéma, donc très lourds, qui consomment beaucoup de ressources et qui demandent des machines très puissantes. Vincent Nozick. Oui, mais comme le disait Eva tout à l'heure, effectivement, c'est un changement de compétences. Hein. Donc là, on arrive à faire ce genre de deepfake sans les compétences de graphiste. Voilà, donc c'est surtout ça qui change. Il y a autre chose qui change aussi, c'est qu'avant, on était capable d'éditer, on va dire, assez simplement l'image. Hein. L'image, c'était quelque chose d'accessible à tout le monde. La vidéo, ça l'était moins parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Et beaucoup de puissance de calcul. Et beaucoup de puissance de calcul aussi. Mmh. Et là, ça permet, les deepfakes, ils permettent d'attaquer la vidéo directement avec une bonne machine. Mais c'est accessible, ça. Donc, c'est aussi un changement à ce niveau-là. Alors, en quoi, justement, on dit l'IA, mais on va parler plutôt de deep learning, donc d'apprentissage profond. Pourquoi est-ce que l'apprentissage profond, ça permet de changer et de changer d'échelle en termes de trucage vidéo, Eva Kijak? Alors, de changer d'échelle, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça rend justement ces deepfakes, ces trucages hyper réalistes plus accessibles? Qu'est-ce qui marche? Comment ça marche à l'intérieur, en fait? C'est ça que je vous demande. En fait, il y a tout un tas de techniques. Par exemple, si je reprends l'exemple qui consiste à prendre une vidéo existante et puis faire ce qu'on appelle un peu de la marionnettisation, c'est-à-dire prendre une vidéo existante et puis copier les expressions faciales d'un acteur tierce sur la personne qui est en train de parler. Donc avec une capture vidéo de quelqu'un d'autre, ouais. On va lui demander en fait de faire du modeling, ce qui se fait d'ailleurs dans l'industrie 3D pour des effets spéciaux numériques classiques. Voilà. Mm-hmm. Exactement. Et donc les outils qui permettent de faire ça existent depuis longtemps. Et en fait, ce que fait le deep learning, c'est qu'il va remplacer certaines briques algorithmiques en quelque sorte de cette chaîne de traitement et donc va donner des algorithmes qui vont être plus précis, plus rapides, plus puissants. Voilà, essentiellement, c'est là que ça intervient. Des fois, dans cette chaîne de traitement, l'intelligence artificielle, enfin le deep learning, n'intervient pas sur l'ensemble de la chaîne. Elle va intervenir sur un module particulier qui va, par exemple, être comment, à partir d'un modèle paramétrique du visage, je vais générer automatiquement une image. Ou comment, à partir de l'audio, je vais générer automatiquement la forme de la bouche qui permet de dire ce qui a été entendu. Donc on a en fait des variétés de réseaux très très différentes, à la fois dans leurs entrées et dans leurs sorties, et dans la façon dont ils se placent dans cette chaîne de traitement. Mmh. On parle donc d'apprentissage profond. Qu'est-ce qu'on fait apprendre à une machine pour l'aider ensuite à reconstituer en vidéo et lui faire dire ce qu'on veut? Est-ce qu'on la nourrit avec, comme le disait Eva Kijak, des dizaines, des centaines de milliers d'images d'une personne? Donc c'est très facile avec des personnes qui sont très exposées. Est-ce qu'on est en mesure de faire, d'apprendre à la machine à faire former les lettres une par une, A, B, C, D, E, F? Comment ça se passe concrètement si aujourd'hui je veux prendre le portrait d'Emmanuel Macron et lui dire qu'il fait très froid dans les Yvelines? D'accord. Alors Par exemple, ouais. Alors effectivement, c'est de l'apprentissage, hein, donc on a besoin de beaucoup d'informations, de données d'apprentissage. Et alors comment ça se passe dedans? Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pour certaines parties des deepfakes, bon, ceux qui s'appellent vraiment les deepfakes, on va dire, il y a une sorte d'absence de géométrie à l'intérieur. C'est quelque chose de, c'est-à-dire que nous, si on devait le faire en tant qu'humain, on est assez sensible à la géométrie, donc on va essayer de faire une géométrie d'un visage. Et le deepfake, donc de la modélisation, hein, de c'est la modélisation 3D. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Et le deepfake, lui, il peut faire autrement. Il peut trouver une solution, une alternative à ça. Il se débrouille. Lui, la géométrie, ça, il peut s'en passer. Voilà. Alors, il se débrouille comment? Ah, alors, donc là, c'est alors là, si on peut entrer dans le détail, alors. Bien sûr, allons-y. On va essayer de rester clair ou de prendre des exemples pour bien comprendre, mais allez-y. D'accord. Alors, si on attaque un petit peu pour les certains deepfakes qui utilisent un auto-encodeur. Alors ça, c'est un auto-encodeur, c'est deux réseaux de neurones qui collaborent entre eux. Il y en a. Alors, le premier, c'est l'encodeur. Hein, il va essayer de voir. Alors, il regarde tout le temps le même visage. Hein, au niveau de l'entraînement, il entraîne tout le temps avec la même personne. Et puis, il va essayer de décrire le visage. Donc, en gros, tiens, c'est la personne que je connais parce que je la vois tout le temps. Mais elle regarde vers le haut, elle sourit, elle est éclairée vers la droite et puis elle est un peu maquillée. Voilà. Ça, c'est l'encodeur. Donc, c'est le générateur. C'est voilà. C'est ça. Et ensuite. Alors, d'accord. Oui, on peut grimacer, je suis d'accord. Alors, c'est pas tout à fait ça. Non, mais corrigez-moi si je me trompe. Moi, j'essaie de reformuler les choses. Si je me trompe, vous me corrigez. Je pense qu'on peut rester déjà sur l'idée d'encodeur sans trop parler de GAN. Par ok, on parlera du GAN plus tard. Donc, l'encodeur. Et donc là, l'encodeur, lui s'occupe de décrire ce qu'il est en train de voir au niveau d'un visage. Lui, il sait que c'est un visage et il sait que c'est le visage tout le temps de la même personne. Ensuite, le décodeur, lui, on lui donne, donc l'encodeur lui donne très peu de données finalement, assez peu de données pour décrire ce visage. Et le décodeur prend ces très peu de données et lui va essayer de reconstruire le visage. Alors comme c'est tout le temps le même visage, il commence à le connaître et il commence à connaître, alors j'allais dire la géométrie, mais c'est pas vraiment la géométrie, mais c'est la façon de le reconstruire. Et lui, il a juste besoin qu'on lui donne des indications. C'était la personne que tu connais parce qu'on l'a vu à chaque fois, mais elle regardait vers le haut, elle souriait, elle était éclairée par la droite et puis elle avait un peu de rouge à lèvres par exemple. Voilà, donc on lui donne ces indications-là et à partir de ces très peu d'indications-là, le décodeur va essayer de reconstruire exactement la même image. Et là où c'est intéressant pour un deepfake, c'est qu'on prend un auto-encodeur qu'on va entraîner sur deux personnes, ok, donc une source et une cible, ok, très bien, en partageant l'encodeur. C'est-à-dire que l'encodeur va être capable de dire, tiens, ah oui, alors c'est la personne A ou c'est la personne B, moi je, voilà. Mais par contre, ce que je suis capable de dire, c'est qu'elle regarde vers le haut, elle sourit, etc., bon, et faire un descriptif. Et ensuite, quand on entraîne l'auto-encodeur, quand on donne une image de A, on lui demande de recréer l'image de A, ou B, de recréer l'image de B. Là, on va lui donner l'image de A, mais on va lui demander de recréer par-dessus l'image de B. Donc en gros, on va lui dire, voilà, c'était le visage hein, qui regardait vers le haut, qui souriait, etc. Et le décodeur va recréer B dans ces conditions-là. Donc on vient de faire un transfert de visage. Et bien, Jacques, sur cette technique, l'une de ces techniques de deepfake. Alors oui, tout à fait. On peut voir aussi l'auto-encodeur comme, en fait, sur une scène de crime, l'encodeur, c'est le témoin, celui qui a vu le criminel. Et donc, il va décrire, voilà, j'ai vu, il était brun, il avait des lunettes, une moustache. Il va faire le portrait robot. Voilà. Et puis, le décodeur, c'est celui qui, à partir de ses indications, va faire le portrait robot, va dessiner ce portrait robot-là. Alors, ces auto-encodeurs, ils ont été utilisés notamment pour faire ce qu'on appelle de l'échange de visage. Donc ça, c'est une face face swap en anglais. Exactement. Mm-hmm. Ça, c'est une des façons de faire de ce qui permet de dire, voilà, c'est pas pour reprendre l'exemple de Vincent Nozick, c'est permet de dire, ben voilà, si moi je suis la personne B et que l'encodeur c'est la personne A, ben moi je vais dire, voilà, il fait aujourd'hui -3 dans les Yvelines et Emmanuel Macron dira il fait -3 dans les Yvelines parce que à partir de mon modèle à moi, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, oui. Il échange. Face swap, c'est-à-dire qu'il échange. Il échange les visages dans les deux vidéos. Mmh. Alors ces modèles-là, ils doivent être, comme l'a dit Vincent, ils doivent être entraînés sur beaucoup de données. En gros, pour faire un face swap sur d'une personne à une autre, on doit entraîner un auto-encodeur sur les données de ces deux personnes-là. Et si je veux changer de personne, il faut que je réentraîne. La machine. Et ça prend des centaines de milliers d'images en entrée. Mmh. Et ça peut s'entraîner relativement longtemps. Oui, Vincent Nozick, vous voulez réagir? Oui, alors là, dans les dernières versions des logiciels de deepfake, ils ont réussi à faire descendre le nombre d'images requises en expliquant que si on les choisit correctement, si on les choisit bien, on peut se contenter de moins d'images, ce qui facilite la tâche, hein, on va dire, des gens qui veulent faire des deepfakes. Tout à fait. La variété, en fait, de l'ensemble d'apprentissage est importante, c'est-à-dire que si on donne à l'auto-encodeur une personne avec toujours la même expression, forcément, il ne va pas être capable de généraliser d'autres expressions. Et donc, parfois, ce n'est pas seulement la quantité de données, mais aussi la qualité des données, donc la variété des expressions qu'on va avoir qui vont permettre d'enrichir la représentation. Et alors, qu'est-ce que c'est, ce que j'essaie d'aller un peu plus vite que la musique tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le GAN pour Generative Adversarial Network, Eva Kijak? Alors, le GAN, c'est une méthode qui a été inventée, enfin qui est apparue pour la première fois en 2014 et qui consiste, c'est un modèle, comme vous l'avez dit, génératif, ça veut dire que c'est un modèle qui est capable de générer une image. Alors comment ça fonctionne? En fait, il y a deux composants dans un GAN, le générateur et le discriminateur. Mmh. Voilà. Le générateur, c'est celui qui, c'est un réseau qui va apprendre à générer une image. Et puis, la sortie de ce générateur-là va être proposée en entrée du discriminateur en même temps que des images réelles. Et le discriminateur, lui, va avoir, c'est un simple classifieur, et il va avoir pour fonction de dire simplement est-ce que l'image produite par le générateur est réaliste ou pas. S'il estime que est réaliste par rapport à l'image qu'on lui a donnée en exemple, l'image réelle. Si il considère que l'image est non réaliste, alors le générateur va se réentraîner pour s'améliorer. Et donc toute la puissance des GAN, c'est ça, c'est que en fait, il s'auto-évalue en fait. Ils font du ping-pong quoi. Exactement. Mmh. Et donc ça c'est quelque chose, c'est la raison pour laquelle ils sont très performants. Par ailleurs, c'est aussi des modèles qui sont très compliqués à entraîner pour le moment, parce que ils ont beaucoup de paramètres à régler. Mm-hmm. Et qui, eux, c'est pas toujours évident d'arriver à ce qu'on appelle la convergence. Hein. Voilà, ça demande, un petit savoir-faire autour de l'apprentissage des GAN. Vincent Neuzic, sur ces GAN. Qu'est-ce qui différencie ce modèle de GAN du modèle encodeur-décodeur que vous nous avez décrit tout à l'heure? On va dire c'est peut-être le côté collaboratif entre les deux réseaux. Donc voilà, décodeur, encodeur-décodeur, encodeur discriminant. Voilà. Certaines personnes hésitent à dire qu'un auto-encodeur c'est un GAN. Alors si on le voit comme deux réseaux de neurones qui collaborent, on peut dire que c'est un GAN. Si on reste très précis sur les mots, effectivement, peut-être qu'on s'en écarte un petit peu. Ça, ce sont les principaux moyens aujourd'hui de production d'hypertrucage. Y en a-t-il d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Alors, en 2016, il y a des chercheurs qui ont produit quelque chose qui s'appelle Face to Face, qui à l'époque n'utilisait pas de deep learning et qui passe plutôt par de la géométrie, on va dire, avec des méthodes, on va dire, voilà, assez loin du deep learning et qui sont, on va dire, ma foi, plus dangereuse que les deepfakes, parce que en fait, ça tourne en temps réel avec très peu d'entraînement. Voilà. Alors, par contre, comment ça marche alors déjà? Comment ça marche puisque ça marche plus en géométrie? Est-ce que c'est, pour prendre un exemple peut-être un peu grossier, on sait que sur certaines applications, il y a des petits gadgets qui permettent quand on se met avec un ami de faire pouf, on échange d'un visage. Mais bon, c'est assez grossier. Les traits sont un peu difformes et on en rigole. Aujourd'hui, c'est ce type de modèle-là, mais en plus perfectionné. C'est un peu ça. On en rigole aussi peut-être. Mais effectivement, l'idée, c'est de prendre un modèle géométrique de visage et de l'adapter. Alors d'une part, donc à la source et à la cible. Donc en fait là, il y a deux personnes effectivement qui pilotent le visage de l'autre. Et donc on a deux visages synthétiques, des mèches, qu'on va essayer de déformer pour que ils matchent bien le visage de la source et le visage de la cible. On s'occupe des textures aussi. On va texturer ces visages avec la texture de la cible. Et ensuite, il s'agit de faire un transfert non plus au niveau des visages, mais au niveau des masques. Donc c'est des technologies, on va dire assez standard dans la lignée de ce qu'on faisait avant sans deep learning. Mais qui reviennent là pour le coup sur des technologies vraiment stricto sensu graphiques en quelque sorte, oui. Eva Kijak. Alors, ces méthodes-là qui sont des méthodes, je ne sais pas comment on traduit en français, de face reenactment, donc de reconstitution de visage. Oui, c'est ça. Oui. Où on transfère l'expression faciale d'une personne à une autre. Donc cette méthode, elle a été améliorée là récemment aussi par des techniques d'intelligence artificielle. Alors toujours sur cette idée de modélisation 3D du visage, mais où ici on injecte de l'intelligence artificielle pour générer cette fois-ci l'image du visage à partir de ce masque-là. Et donc en fait, c'est des techniques qui progressent parce que maintenant on n'est plus capable seulement de transférer seulement les expressions, mais aussi complètement la position du visage en plus d'expressions. Donc vraiment là, de faire tourner le visage. Voilà, les ombres, etc. C'est de plus en plus puissant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Eva Kijak, qui a aussi la composante vocale. C'est facile aujourd'hui de faire de la synthèse vocale, de changer ma voix, de faire passer ma voix pour la voix de Brigitte Macron, par exemple. De plus en plus, oui. Alors pareil, les techniques de deep learning, elles s'appliquent pas seulement aux images, elles s'appliquent à une variété incroyable de choses, dont la synthèse audio. Et donc oui, aujourd'hui, c'est assez facile de générer artificiellement la voix de quelqu'un à partir d'un peu d'apprentissage. Il y a des techniques qui se sont améliorées en particulier, ou est-ce que c'est le même type de bon technologie qu'il y a pu avoir avec le deepfake vidéo, en tout cas du visage, ou est-ce que ces techniques de modification sonore, finalement, elles sont assez standards et on les retrouve facilement? Vincent Neuzic. Ah non, il y a vraiment un bon là. Donc là depuis quelques années, on arrive à synthétiser les voix, alors pas forcément de personnes connues maintenant. Donc la synthèse vocale, ça a vraiment beaucoup avancé récemment. Grâce au deep learning. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, et là on commence à le voir là depuis cet été, il y a un article qui vient d'arriver là, où on peut voir le mix des deux. C'est-à-dire qu'en gros, on dit voilà, maintenant on est capable non seulement de faire un deepfake, c'est-à-dire en gros de changer le visage, mais en plus de rajouter le texte qui va avec. Par exemple, en l'éditant à la main. Donc, si j'écris sur mon clavier, voilà, il fait -3 dans les Yvelines, si on a bien entraîné notre réseau avec Emmanuel Macron, eh ben, il pourra le dire. Il prononcera bien sa prononciation et ses mouvements de lèvres seront raccord. Seront synchrones. Ouais. Et ça demande là aussi beaucoup d'implémentation. C'est-à-dire qu'il faut des heures et des heures de discours apprises, écoutées par la machine, ou est-ce que la quantité d'informations nécessaires pour aboutir à quelque chose de semblable en tout cas à l'oreille, puisqu'on va voir ensuite que peut-être qu'en passant par des fils d'ordinateur, c'est plus facile de repérer la supercherie. Alors, est-ce qu'il en faut beaucoup? Oui, il en faut beaucoup. Alors, pour rentrer dans les détails, ça se complique un petit peu parce que cette branche de deepfake n'est pas rendue publique. C'est-à-dire que le code n'est pas accessible. Contrairement au deepfake, on va dire, qu'on connaît depuis 2017, cette partie-là n'est pas rendue disponible. Et alors peut-être que c'est tant mieux d'ailleurs parce que c'est tellement puissant que là par contre, j'aurais été vraiment étonné de ne pas voir une application assez rapidement, une attaque. C'est-à-dire que les développeurs qui développent ces systèmes de synthèse vocale-là gardent le code en propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir exactement comment c'est programmé. Ceux de synthèse vocale et ceux d'une certaine partie des deepfakes, hein, notamment tout ce qui suit face-to-face. Face-to-face, d'ailleurs, n'est pas public, hein, n'est pas accessible. Ouais. Alors, la question, c'est qu'évidemment, quand on vous écoute l'un et l'autre, on entend que tout ça est très élaboré, très abouti, très perfectionné. Néanmoins, aujourd'hui encore, ce sont des systèmes qui ont des apories. Quelles sont-elles, Eva Kijak? Oui, aujourd'hui, il y a encore pas mal d'imperfections, on va dire, dans ces systèmes, dans ces contenus générés artificiellement, qui font que on est encore capable de les détecter. Donc, par exemple, si on parle de la génération artificielle de visages humains par des GAN, il y a des choses qui sont encore difficiles à rendre, qui sont les oreilles, par exemple, les branches des lunettes. Pourquoi pourquoi ces endroits-là particulièrement? Parce que ils sont particulièrement, les oreilles, ça a des formes assez complexes. Les branches des lunettes, ce sont des parties assez fines. Le fond aussi est assez difficile à rendre. Et l'alignement des dents, le fait que la personne regarde que les deux yeux regardent dans la même direction. Et donc tout ça, ce sont autant de petits signes qui font qu'on peut encore détecter. Dans les autres signes aussi qui ont été mis en avant, il y a pour les vidéos l'absence de clignement des yeux de façon naturelle, qui a été un indice. Et pourquoi ça d'ailleurs, par exemple? C'est quand j'ai préparé cette émission, je me dis, mais finalement, puisqu'on est capable d'arriver à un tel niveau de perfectionnement, pourquoi est-ce qu'on peut pas implémenter, forcer la machine à faire cligner des yeux plus facilement? Alors, on pourrait le faire. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Et donc, comme dans les ensembles d'apprentissage, il y avait finalement très peu d'images où les gens avaient les yeux fermés, et bien finalement, le système apprenait pas à rendre le clignement des yeux. Maintenant, je peux forcer mon système, effectivement, d'une façon ou d'une autre, à lui dire de faire cligner les yeux des gens. Et c'est ce qui rend, on en parlera sûrement plus tard, mais c'est ce qui rend justement la bataille contre les deepfakes difficile. Les apories de ces systèmes, Vincent Nozick, aujourd'hui, si on se regarde très proche, je crois, l'intérieur de la bouche, l'intérieur des narines, sont des choses où, d'un seul coup, on voit les failles du système. Alors, moi, pour parler de ça, je pense qu'on pourrait regarder un petit peu en arrière, à partir de 2016 pour face-to-face et 2017 pour les deepfakes, et on s'aperçoit que, en fait, ça évolue drôlement vite. Et c'est-à-dire que, vous avez décidé de nous faire peur aujourd'hui, Vincent. Je sens que vous avez décidé de nous foutre la trouille. Ah non, moi, je trouve ça super parce que, quand on aime la technologie, on s'en réjouit de ça. C'est-à-dire qu'on trouve ça super aussi. Hein. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui faille. On pourra en parler tout à l'heure. En parlera. Voilà. Donc, en tout cas, ça avance assez vite. Effectivement, alors, au départ, il y avait des soucis, hein, notamment avec face-to-face, avec l'intérieur de la bouche. Qu'on ne fallait pas ouvrir la bouche. Hein, sinon, il n'y avait rien dedans. Les narines. Et puis, les chercheurs se sont dit, finalement, on va peut-être mettre une bouche à l'intérieur. Des dents, une langue. Donc maintenant, c'est bon, c'est fait. Là, si on reparle des clignements des yeux sur les deepfakes, c'est réglé. Donc en fait, il y avait des méthodes pour détecter les deepfakes qui essayaient de voir, quelqu'un qui cligne jamais des yeux, c'est louche. Hein. Mais ça ce sont des méthodes macroscopiques, c'est-à-dire qu'on voit l'intérieur de la bouche, on voit l'absence de clignement des yeux. Aujourd'hui, il y a des signatures numériques qui sont facilement repérables, qui sont facilement identifiables, ou est-ce que ça commence là, effectivement, à être un peu compliqué? Alors, effectivement, en tout cas, ce dont on parle, les clignements des yeux, la bouche, etc., c'est quelque chose qu'on peut voir en tant qu'humain, on peut le détecter soi-même. Alors, mais une fois que c'est réglé, ça devient plus compliqué. Et là, maintenant, on commence à avoir des deepfakes qui sont vraiment, vraiment réalistes. Pour les détecter, il faut aller plus bas dans l'image, au niveau du pixel. Hein. C'est ce qu'on va faire dans un instant. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, Vidéo Kill de Radio Star sur France Culture à 16h30 par The Buggles, puisque nous parlons des hyper trucages, des deepfakes tout au long de cette heure en compagnie d'Eva Kija, qui est maître de conférence à l'Université de Rennes, membre de l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, et avec Vincent Nozick, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheur au laboratoire d'informatique Gaspard Monge. Mais tout de suite, comme tous les mercredis et pour la dernière fois de la saison, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir au micro de la recherche montre en main Tina Nikuka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année au CMLA, première année de thèse au laboratoire de mathématiques appliquées de l'ENS de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous travaillez sur la détection automatique et en ligne de la falsification d'images et de vidéos. Bienvenue donc à la méthode scientifique. On vous écoute. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, oui, tout est dans le titre. Je cherche à développer des algorithmes capables de détecter si une image ou une vidéo a été manipulée ou non. Alors, je ne vais pas inciter vos auditeurs à le faire, mais c'est très facile aujourd'hui de créer de la fausse information. Il existe de nombreux outils permettant de générer du faux contenu. Donc, les logiciels tels que Photoshop, jusqu'aux nouvelles applications comme FakeUp pour justement ces deepfakes. Alors, il serait donc bien, pour combattre ce phénomène, d'avoir des outils simples d'utilisation et accessibles à tous, permettant de détecter ces modifications. Alors, prenons un exemple. Imaginons que j'ai ici une photo de vous, Nicolas. On vous voit derrière le micro d'une autre radio. Faites-vous des infidélités à France Culture ou l'image est-elle truquée? Alors, comment faire pour le savoir? Donc, on pourrait essayer de partir... Jamais, aucune infidélité. Jamais, ça n'est pas moi. On pourrait essayer de partir à la recherche de l'image originale et voir que, effectivement, vous êtes derrière les micros de France Culture. Mais bon, on ne sait pas si celle-ci est disponible sur Internet. On pourrait aussi regarder les métadonnées de l'image. Il s'agit de l'information qui est associée par l'appareil photo au fichier, donc la date ou les coordonnées GPS, pardon. Donc, où étiez-vous hier à 13h30? J'étais dans mon bureau en train de travailler. Ah, bon, de toute façon, c'est pas la peine de répondre parce que cette image, ça fait une minute que j'en parle et elle a déjà fuité sur les réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, il y a des centaines de partages, donc il faut se dépêcher. Alors, comment faire pour seulement à partir de l'image, donc sans entraînement, sans base de données, savoir si elle a été truquée? Donc, c'est là où interviennent mes travaux de recherche. Donc, pour comprendre notre approche, il faut savoir qu'une image subit une chaîne de traitement à partir du moment où le capteur de l'appareil photo reçoit la lumière jusqu'à ce qu'on ait l'image sur nos écrans. Ces traitements, qui permettent la formation et le stockage de l'image, sont en fait des opérateurs mathématiques. Donc, pour n'en citer que certains, il y a la correction de la couleur, le débruitage, une compression. Et ces opérations laissent des traces, donc des signatures, imperceptibles, mais souvent détectables grâce à d'autres opérateurs mathématiques. Ainsi, ces détections nous permettent d'extraire le plus d'informations possible pour constituer un historique de l'image. Donc, on peut dire qu'à cette étape, nous connaissons la vie de notre image et c'est déjà très utile et complémentaire aux outils qui existent déjà. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à un détecteur de falsification, vous tomberez la plupart du temps sur des révélateurs. Donc, il s'agit de filtres qui permettent de faire ressortir des zones suspectes de l'image. Donc, déjà, connaître l'historique de l'image aide à appliquer le ou les révélateurs pertinents, mais cela ne rend toujours pas la méthode automatique. D'habitude, en traitement d'image, on fait des présentations avec des supports visuels. Donc, faudra me croire quand je vous dis que ces révélateurs sont très difficiles à interpréter, même pour des experts. Alors, comment procédons-nous pour que notre méthode ne nécessite pas d'interprétation? Sachant que donc, nous avons construit cette historique qui regroupe les opérations subies par l'image, prenons une des opérations avec ces mêmes caractéristiques et... prenons une de ces opérations et si c'est, on regarde dans tous les petits morceaux de l'image et si on retrouve cette caractéristique mais avec d'autres, donc cette opération avec d'autres caractéristiques, et ben on pourra peut-être dire que cette zone a été falsifiée. Pour le savoir de manière fiable, notre méthodologie est d'effectuer un nombre important de tests, donc d'apprendre sur l'image elle-même, donc faire des statistiques afin de savoir si ce qu'on observe est significatif ou accidentel. Donc, par exemple, dans votre cas, avant application de cette validation statistique, on aurait plusieurs zones suspectes. Alors, la table, car elle est grise, le mur derrière vous, car il y a un grand rond noir, et bon, vous. Et, moi, je suis toujours suspect, pas... par défaut. Donc, on ne peut pas te donner de résultats clairs. Donc, grâce à cette dernière étape, on ne retiendrait que votre silhouette, et ce, de manière fiable, parce que la détection est accompagnée d'une probabilité de confiance. Donc, tout va bien, l'image n'est pas truquée, vous et le fond de l'image, en fait, avez des historiques différents. Donc la conclusion est assez facile à donner, mais c'est quand même pas mon rôle. Les outils que j'ai commencé à développer durant ma thèse n'ont pas pour vocation de dire si une image a été intentionnellement falsifiée ou simplement embellie. La finalité est d'avoir ces algorithmes disponibles au grand public, et c'est ce qui est fait à travers le journal en ligne de traitement d'images IPOL, où les articles sont accompagnés du code source et d'une démo en ligne. Donc je vous invite tous à aller y jeter un œil, ipol.im. Vous pourrez tester en temps réel et sur vos propres photos différents algorithmes de traitement et d'analyse d'images, dont des premières méthodes de détection de falsification. Et on va vous mettre évidemment ce lien sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @lamethodefc. Merci beaucoup Tina Nikuka, vous restez avec nous pour la suite de la fin de cette émission. Une réaction peut-être l'un et l'autre, ça veut dire qu'aujourd'hui on dispose et la recherche travaille sur des outils informatiques très performants pour pouvoir discriminer ces fausses images, ces deepfakes, ces hyper-trucages d'images qui n'ont pas été touchées, Vincent Nozick. Ah ben, alors ça fait un petit bout de temps que cette discipline existe et effectivement on travaille intensément dessus. Il y a eu un petit revirement il y a 2-3 ans avec l'apparition dans le domaine du deep learning aussi pour détecter ce genre de falsification. Ça c'est une période assez intéressante dans le domaine. Voilà, on peut utiliser des outils traditionnels avec des outils mathématiques vraiment vraiment élégants. On peut aussi y aller un peu brute force comme on dit avec du deep learning avec des résultats intéressants également. Nous on essaye d'être encore assez élégant, mais ça ne nous empêche pas, par exemple ce que j'ai expliqué, c'est que je cherche à reconstruire cet historique, ça ne m'empêche pas de chercher à voir si l'image a été compressée grâce à une méthode basée sur le deep learning. C'est juste qu'à la fin c'est plus rassurant, je pense, d'avoir cette probabilité de confiance donc, qui est basée sur des mathématiques, des vraies statistiques. Eva Kijak, sur ces travaux. Oui, je crois que il y a beaucoup de travaux qui existent pour détecter des modifications. Alors il y a deux choses. Les images aujourd'hui qui circulent, par exemple, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'elles ont été beaucoup recompressées. Elles ont été croppées, c'est-à-dire qu'on en a pris des sous-parties, elles ont été rééditées, et tout ça, ça rend les choses difficiles parce que toutes ces traces là qu'on essaie de chercher, elles disparaissent au fur et à mesure. C'est de la bouillie, hein, en gros, sur les images, sur la signature de l'image. Oui. Et c'est vrai aussi pour les vidéos qui sont compressées et diffusées sur Internet. Un autre point qui a été évoqué qui est intéressant, c'est effectivement à partir du moment où on place des solutions automatiques pour dire qu'une image a été modifiée, c'est extrêmement rassurant pour l'utilisateur de comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui a été modifié. Il y a vraiment quelque chose là autour de la confiance de l'utilisateur. Sur ces outils que parfois il ne comprend pas, comme ça pourrait être le cas de méthodes d'apprentissage complètement boîte noire qui dirait un pronostic sans qu'on puisse le comprendre vraiment. Alors je le disais au tout début de cette émission, hein, c'est vrai que ces hyper-trucages, ces deepfakes sont une sorte de cauchemar brandi par les politiques mais aussi par les journalistes qui les redoutent, qui redoutent de tomber dans le piège. Et en fait de nombreux organes de presse se sont d'ores et déjà dotés de cellules d'investigation informatique pour essayer de discriminer les images des trucages comme c'est le cas à l'AFP. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans ce service qui démonte les faux qui circulent sur les internets comme on dit. Oui, j'ai rencontré Denis Tessou, qui est responsable du Media Lab à l'AFP et qui pilote en France le développement d'InVid et de WeVerify. Ces deux extensions de navigateur Internet, accessibles à tout le monde, elles permettent de déterminer si une image figée ou bien une vidéo sont fausses. Il nous explique les méthodes utilisées pour déceler le caractère factice des deepfakes, que ce soit en analysant les données de l'image ou bien en divisant la vidéo image par image et en cherchant les occurrences passées de ces images sur les moteurs de recherche pour remonter à la vidéo d'origine. Ce qu'on fait pour vérifier des images, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon endogène qui est d'analyser l'image. Alors ça peut être une analyse visuelle de l'image, mais c'est aussi ce qu'on appelle une analyse forensique de l'image, c'est-à-dire on va analyser le fichier numérique à la recherche d'anomalies en matière de traitement du signal, en matière notamment de basse et haute fréquence, de compression, de répartition des pixels. Et donc là, c'est plutôt une analyse mathématique du fichier numérique. Donc ça, avec un certain nombre de filtres qui permettent éventuellement de déceler des anomalies. Alors c'est des méthodes qui sont assez répandues maintenant, mais qui sont quand même assez difficiles à mettre en œuvre, surtout sur des photos qui ont été fortement compressées et qui sont passées de réseau en réseau. Et puis il y a une deuxième partie qui est une partie de vérification exogène, qui est plutôt d'aller chercher de la connaissance à l'extérieur de l'image. Et donc là, ce qui marche assez bien, et c'est probablement la technologie qui marche le mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la recherche par similarité d'image. C'est-à-dire qu'on va envoyer cette image sur différents moteurs de recherche et on va voir si ces moteurs de recherche ne l'ont pas déjà indexé. Et donc, si ce n'est pas une image du passé, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui est en train de nous envoyer une image qui est connue déjà depuis 3 mois, 6 mois ou 3 ans, et que c'est une image décontextualisée qui revient dans l'actualité d'aujourd'hui, simplement parce qu'un petit malin s'est amusé à récupérer une image ancienne sur la même thématique et à la renvoyer sur les réseaux. Alors comment fonctionne InVid maintenant avec quelque chose qui est sans doute plus complexe à déceler, une fausse vidéo, un deepfake? Alors pour les deepfakes, ce qu'on a montré dans InVid et qui marche, c'est d'analyser la provenance de la vidéo, c'est-à-dire que quand on a une vidéo de type deepfake, on peut faire de l'analyse de similarité d'image aussi. Donc le principe sur une vidéo, c'est qu'on va fragmenter cette vidéo en images clés. On va aller analyser la vidéo par séquence. Pour chaque séquence, on va extraire une image clé. Sur ces images clés, on va faire une recherche par similarité d'image sur les différents moteurs aussi. Donc on joue sur le big data des différents moteurs et sur les différents index et sur la complémentarité de ces index. Par exemple, alors si on prend l'exemple célèbre de la vidéo d'Obama avec Jordan Peele, par exemple, on va extraire les images clés, et sur ces images clés, on va pouvoir faire une recherche inversée d'image. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on fait ça, on va se retrouver avec beaucoup de résultats qui vont parler de cette vidéo, parce que cette vidéo a fait le buzz, comme on dit. Mais si on regarde dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a des outils, notamment ici dans Google, on va pouvoir aller remonter dans le passé à faire une recherche antérieure, c'est-à-dire remonter une année, deux années, trois années auparavant, et à force de remonter comme ça en quelques minutes, on arrive à récupérer les vidéos originales qui ont servi à la fabrication de ce fake et donc à retrouver exactement la même vidéo avec Obama, avec le même arrière-plan, la même cravate, le même costume, dans différentes vidéos ici. Voilà, par exemple. Voilà, donc là, dans la vidéo originale, il n'insulte pas Donald Trump. Absolument. Donc, on est capable de repérer que les différentes vidéos qui ont été utilisées pour fabriquer ce deepfake, en fin de compte, sont des vidéos qui datent de la même période. Hein, elles sont du 7 au 9 décembre 2016. Donc, on est capable de montrer ça. Donc, si on juxtapose ces vidéos l'une avec l'autre, et je l'ai fait récemment pour un deepfake plus récent qui est celui de Mark Zuckerberg, qui parlait soi-disant de la vérité sur la vie privée sur Facebook. On peut montrer donc en juxtaposant les deux vidéos que ces deux morceaux sont rigoureusement identiques et donc du coup ça permet de montrer qu'il y a une antériorité dans cette vidéo et que cette vidéo n'est pas ce qu'elle est censée montrer. Ça, c'est une des façons que vous avez développé avec InVid de déceler un deepfake en fragmentant finalement la vidéo en image par image pour remonter à la source. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour déceler la présence d'un deepfake? Alors, on est en train de travailler dessus dans le nouveau projet sur lequel on travaille qui s'appelle WeVerify et on travaille sur justement la détection, alors via des outils de machine learning, donc d'apprentissage par ordinateur. On essaye justement de voir si on peut pas fabriquer des détecteurs sur les différentes technologies. Alors le problème de ce qu'on appelle deepfake, c'est que ça englobe plein de technologies différentes. On a de la reconfiguration faciale, on a de la reconfiguration, on a du changement de visage par exemple aussi. Ce qu'on appelle le face swap. Voilà, exactement, le face swapping. On a du lip syncing qui est la reconstruction labiale. On a du face reenactment qui est le fait de pouvoir modeler un visage avec une mimique d'acteur, par exemple, qui va être reprise pour donner plus de crédibilité à la vidéo. On a également l'apprentissage de la voix humaine qui permet de faire apprendre à un logiciel la voix de quelqu'un. Adobe prétend qu'ils le font avec 20 minutes de discours. Et donc, ils sont capables de faire dire n'importe quoi à n'importe quelle personne à partir du moment où ils ont appris le discours. Et donc, c'est cette combinaison de différentes technologies et y compris la génération complète d'images. Voilà, c'est le deepfake, c'est tout ça, quoi. C'est toutes ces technologies. Il faut pouvoir trouver des détecteurs sur les différents rendus qui sont possibles dans ce genre de vidéos. Les deepfakes ont quand même pas mal progressé depuis qu'ils ont été créés il y a quelques années. On sait que c'est pas encore non plus à la portée de tout le monde de pouvoir créer un deepfake, mais on sait que d'ici quelques années, a priori, la chose sera plus simple. Alors qu'est-ce que vous allez devoir développer pour justement rendre votre outil encore plus performant pour déceler les deepfakes qui seront sans doute de plus en plus fins? dans ce projet WeVerify qu'on vient de commencer, on a tout un volet sur les deepfakes précisément pour construire des détecteurs et utiliser des détecteurs open source de issus de la recherche scientifique qu'on va intégrer au fur et à mesure qu'on aura nos évaluations. Nous donnerons des résultats probants sur ce genre de vidéos. Et on va les intégrer au fur et à mesure. Et évidemment, on est à l'écoute de toutes les publications scientifiques aujourd'hui dans ce domaine-là pour voir les différentes technologies. Il y a la recherche en matière d'effets spéciaux pour le cinéma ou de computer vision, donc la vision par ordinateur, progresse énormément. Mais évidemment, elle est plutôt du côté de l'industrie du cinéma et moins du côté de la démystification des fausses nouvelles ou des infox. Mais bon, voilà, on a réussi à récupérer un projet financé par l'Union européenne et on va essayer d'avoir des bons détecteurs pour pouvoir immédiatement, si on est capable de mettre une marque, disons, ça c'est probablement un deepfake, ça aidera beaucoup plus les internautes que des procédures de vérification qui sont déjà plus lentes à mettre en œuvre et surtout qui sont plus dans une démarche de fact-checking et de vérification dans les rédactions. Voilà ces méthodes et ces cellules d'investigation informatique, en l'occurrence à l'AFP, qui traquent les deepfakes ou hypertrucages sur les réseaux dits sociaux. Peut-être une réaction rapidement à ce que vous venez d'entendre les uns les autres, Eva Kijak. Oui, je crois que ce reportage rend bien compte en fait des deux axes un peu complémentaires qui sont utilisés aujourd'hui pour lutter contre les fausses informations de façon générale, c'est-à-dire à savoir se baser sur les informations contenues dans l'image ou dans la vidéo et essayer de trouver des traces de modifications. Et puis le fait d'utiliser des informations contextuelles et donc se dire que cette fausse information, cette fausse vidéo s'inscrit dans un réseau où elle a été diffusée et que potentiellement on peut en trouver des traces de la vidéo originale. Alors juste un mot pour ce qui concerne le premier axe de recherche. En fait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on va pouvoir dire aujourd'hui, par exemple, que cette vidéo a été truquée parce que, par exemple, on avait pris l'exemple du clignement des yeux qui n'était pas naturel et puis comme vous l'aviez dit, en fait, une fois qu'on a trouvé que ça a été mis à jour, c'est assez facile maintenant, notamment à cause des technologies GAN qui utilisent ce discriminateur qui est capable de se corriger, d'inclure ça dans la technologie pour corriger ces défauts-là. Et donc, il y a un vrai jeu du chat et de la souris, je pense, autour de ça, et qui va s'accélérer parce que tout va plus vite. Donc, à la fois les façons de générer les images, mais aussi dès qu'on a trouvé quelque chose, ça va aller très vite de corriger, de contourner ces choses-là. C'est un peu comme la course entre les pirates et les les gens qui luttent contre la piraterie informatique et les virus. Kenani Kouka, vous vouliez réagir? Exactement. Donc, je voulais reprendre ce qu'avait dit Annie Farid, qui est un chercheur américain qui travaille donc sur la détection de falsification. Il avait aussi donc remarqué le clignement des yeux. 3 mois après, ça a été corrigé. Il a remarqué, donc je ne sais pas si je dois le dire à tout le monde, mais il a aussi remarqué que il y avait du sang qui circulait dans les visages des humains, et donc ce qui était généré artificiellement, il ne retrouvait pas ce battement du cœur, ce sang qui circulait. Et sur les petits vaisseaux sanguins, etc., qu'on peut apercevoir si la vidéo est de bonne qualité. Ouais. Exactement. Alors après, il a aussi ajouté que s'il allait trouver d'autres nouvelles indications, il n'allait pas les révéler. Voilà. Donc, pour faire de la recherche reproductive, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est le jeu. Hein. La question, c'est est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'un trucage parfait peut exister ? Vincent Neuzic. C'est difficile de répondre à cette question-là. Alors moi, je tiens quand même à souligner quelque chose, c'est que pour l'instant, les deepfakes qu'on a pu voir ne se protègent pas. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un fait un deepfake de Nicolas Cage, tout le monde sait que c'est un deepfake, il n'y a pas besoin de se protéger. Si on détecte avec nos détecteurs que c'est un deepfake, la belle affaire. Pour l'instant, je pense que personne ne s'en protège. Le jour où on va décider de protéger un deepfake contre les méthodes de détection, ça peut marcher parce qu'en fait, le deep learning est bien organisé pour ça. Ça veut dire que si on branche les deepfakes à tous nos détecteurs, on l'a pas fait, je sais pas, mais c'est quand même assez bien parti pour qu'ils puissent éviter certains détecteurs. Donc c'est effectivement le jeu de la souris. Vous pensez aujourd'hui, parce qu'on entend, on a tout de même l'impression, alors peut-être que c'est une impression naïve et je vous la soumets, qu'il y a tout de même beaucoup de points d'entrée de détection d'imperfection. On a parlé là en l'occurrence du travail sur l'image, sur la vidéo, mais on pourrait parler comme on a la radio, du travail sur la voix. Je veux dire aujourd'hui, même si à l'oreille humaine, on a l'impression que c'est une voix humaine ou la voix de la personne qu'on entend, évidemment, si on la passe dans un ordinateur, on doit pouvoir avoir des outils d'analyse qui montrent qu'une voix synthétique ne pique pas tout à fait de la même façon qu'une voix humaine. Donc, est-ce qu'on peut garder encore ce nombre de petites fenêtres multiples de vérification, ou est-ce que, comme vient de le dire Tina Nikuka, elles se ferment les unes après les autres, Eva Kijak? Eh ben, je dirais la même chose, c'est difficile de prévoir, les choses s'améliorent et, alors pour l'audio, je suis pas très compétente pour répondre, mais on voit là que les choses s'améliorent toujours plus, et donc c'est assez difficile effectivement de dire qu'est-ce qui restera. Ces traces vont être de plus en plus infimes, ces imperfections vont être de plus en plus difficiles à détecter, et aujourd'hui, enfin moi je trouve que c'est difficile de savoir effectivement si on sera capable de s'il restera suffisamment de traces à détecter, en fait. Tina Nikuka. Alors, je suis d'accord pour les imperfections, mais il y a aussi les traces qui ne sont pas des imperfections. Comme dans l'image, les opérations mathématiques, ce n'est pas des imperfections, c'est parce que l'image a subi une compression, par exemple. Pour le son, il me semble que lorsqu'on enregistre, donc, comme nous ici, dans une salle, il est possible de détecter les fréquences des prises. Enfin, on peut apparemment détecter un signal de fond. Ce qu'on appelle le room tone, c'est-à-dire effectivement ce qu'on n'entend pas à l'oreille humaine, mais c'est une sorte de bruit de fond qui est même y compris dans un studio radio. Mais on entend par exemple les grésillements de la lumière, les prises électriques, etc. Ça, on peut faire attention à ça si la prise de son est très bonne. Exactement. Et donc on peut savoir s'il y a eu une coupure à un moment ou si même ce son n'existe pas alors qu'on était dans un studio. Ça peut paraître étrange. Bon, évidemment, on peut les rajouter aussi artificiellement. La question que je me posais, qui est aussi dans l'état actuel des choses, on arrive aux États-Unis en période préélectorale ou en période électorale, on voit qu'il y a encore aujourd'hui des outils suffisants, en tout cas pour détecter ces trucages. La question étant évidemment celle du délai, c'est-à-dire qu'une fausse vidéo à intention malveillante étant publiée la veille d'un scrutin, par exemple, eh bien, même si on va avoir les outils suffisants ou si on arrive à déployer suffisamment de technologies pour rendre le décryptage ou l'authentification un tout petit peu plus longue que d'habitude, eh bien du coup, la question, est-ce que ce délai-là aujourd'hui, il est de quelques heures, mais est-ce qu'on peut le rallonger? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il se rallonge et que ça devienne de plus en plus difficile, et donc que la fenêtre, entre guillemets, de malveillance soit de plus en plus grande, Vincent Nozick? Alors, ce délai, pour l'instant, il est plutôt de quelques secondes. Est-ce qu'il va être... Il peut se rallonger? Moi, je pense pas, parce qu'en fait, pour l'instant, toutes les détections, la plupart des détections se basent sur un niveau, on va dire... assez bas sur l'image, au niveau des pixels. On va pas au niveau dit sémantique, du sens de l'image, ça nous intéresse pas, voilà. On sait que ce serait un visage, hein, si c'est un deepfake. Et ça, c'est ça qui prend du temps, c'est le niveau sémantique. Et on ne va pas jusqu'à là. Donc, en gros, moi, je m'attends pas à avoir des méthodes qui nécessitent beaucoup de temps, alors si ce n'est pour, effectivement, retrouver d'autres informations, des vidéos sources. Hein. Ça peut peut-être prendre du temps, mais les méthodes d'analyse purement du signal, il n'y a pas de raison que ce soit long. Eva Kijak? Oui, les méthodes de recherche, d'ailleurs, dans des bases, dans des grosses bases, donc les méthodes de recherche inversées aujourd'hui sont aussi extrêmement performantes, donc c'est de l'ordre de la seconde. Après, il y a aussi une notion d'analyse, effectivement, des résultats qu'on a retrouvés. Par ailleurs, je crois pas que ce soit très différent, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui avec l'image et le texte sur la circulation d'images truquées qu'on est capable de débunker, enfin de... De révéler la supercherie. Oui. Et après, voilà, il y a un problème qui est d'un autre ordre, qui est de la propagation de ces informations-là. Alors, le problème, c'est effectivement, et ce sera un dernier tour de table pour conclure, le problème, c'est effectivement de réguler, ou en tout cas d'encadrer au maximum. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une compétence, comme on peut l'entendre, hein, le Sénat américain a voulu s'en saisir, et que c'est aux États d'agir. On voit, par exemple, que certains réseaux sociaux veulent pouvoir aussi réagir immédiatement, c'est-à-dire à des signalements de vidéos suspectes, de pouvoir tout de suite les mettre entre les mains d'analystes et donc de pouvoir les retirer de la circulation. À quel niveau il faut intervenir? Est-ce que c'est de l'éducation, de la vigilance populaire individuelle? Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Nozick? Alors, moi, en tant que scientifique, je serais super content de pouvoir dire on va trouver un outil qui va vous protéger. J'y crois pas trop. Ça me ferait très plaisir, hein, si on le trouvait, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on va être obligé de passer par une phase d'éducation. Je rappelle que quand on est face à une image suspecte sur Facebook, on s'accorde une sorte de droit à dire, je pense que peut-être elle est fausse. Voilà. Pour la vidéo, on ne le fait pas encore, c'est pas un réflexe. Bon, il va falloir s'éduquer. Tina Nikuka. Alors, je ne veux pas faire de la pub, hein, mais dans le cadre de ma mission doctorale, je donne des cours à des enfants, donc de CE2 à 3e. Donc, c'est la MIS, c'est le laboratoire des enfants. Et je vais, normalement, si tout se passe bien, présenter mes travaux de recherche à la fête de la science à Gif-sur-Yvette, donc pareil pour les enfants, pour leur montrer qu'une image peut être facilement falsifiée, comment faire, qu'il existe des outils, etc. Donc, vous pouvez tous venir. On est tous invités à la fête de la science avec plaisir, évidemment. Et pourquoi pas votre atelier à GIF sur Yvette. Eva Kijak, vous pensez aujourd'hui qu'il est possible, il est envisageable de voir, compte tenu par ailleurs des efforts et des investissements en matière d'intelligence artificielle, de deep learning, de machine learning, des réseaux sociaux, qu'il y ait des filtres automatiques qui puissent arriver à un moment donné, qui puissent d'un seul coup dire votre vidéo, puisque comme il y a des filtres automatiques de reconnaissance de nudité, par exemple, qu'il y ait des filtres automatiques de reconnaissance de modification, de trucage qui d'un seul coup résoudrait en quelque sorte le problème. Alors on peut effectivement espérer que des filtres automatiques puissent être mis en œuvre. Alors les difficultés sont à l'ordre de l'échelle, c'est-à-dire que là il va falloir traiter des millions et des millions de vidéos très rapidement, ce qui pose un premier point, même si encore une fois il y a des techniques de détection qui sont très rapides. Là il y a un volume à traiter qui est extrêmement important. L'autre chose, il y a une question qui se pose aussi sur le filtrage qui est après de l'ordre de la censure, voilà. Bon, ça c'est un autre problème. Mais c'est néanmoins un problème important. Oui. Voilà. Une des choses qui peut être évoquée rapidement ici, c'est le fait de sécuriser, de réussir à sécuriser des vidéos dès leur production en soit en les watermarquant, donc en insérant un espèce de signal d'identification robuste, ou en les identifiant par des blockchains, donc des méthodes de sécurisation et d'identification extrêmement robustes, qui pourrait permettre de s'assurer que le contenu ici qui est diffusé est original. Bon, la difficulté, encore une fois, c'est qu'il faut insérer ces marques ou créer ces blockchains pour les contenus, et ça encore, c'est pas envisageable pour tous les contenus existants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Eva Kijak, merci Vincent Nozick, merci Tina Nikouka d'être venue nous parler des deepfakes tout au long de cette heure. Merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne et Léonore Pérez, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique demain, et bien comme chaque année, notre grand invité science-fiction de la fin de saison, l'avant-dernier jour de la saison, puisque nous nous arrêtons vendredi, et bien demain nous recevrons l'auteur de la trilogie Silo, qui décrit une humanité stratifiée, enfermée dans un silo souterrain après une catastrophe environnementale à l'échelle globale. L'écrivain Hugh Howey sera avec nous, et depuis son voilier amarré dans les îles Fidji, s'il vous plaît. Et puis vendredi, pour la dernière de la saison, comme chaque fin de saison, si vous hésitez encore pour savoir quel livre, quel film, quelle série ou quel jeu vidéo de science-fiction mettre dans vos bagages avant de partir en vacances, et bien mettez une croix dans votre agenda vendredi à 16h. On vous mettra de la SF plein la valise. En attendant, on se retrouve demain, comme toujours, à 16h, jusqu'à preuve du contraire.